appelles à détruire les hôtels étrangers, les hauts lieux et les faux sacrifices. Car l'adoration n'est pas une addition, mais une alliance sans compromis. Tu choisis un lieu pour ton nom, un centre pour la communion. Car ce que tu sanctifies pour la joie ne peut être mélangé aux anciennes dévotions. L'adoration vraie ne se partage pas. Nous ne voulons qu'un seul autel, un seul feu pour te servir. Car le cœur divisé s'éteint quand il n'ose plus choisir. Nous ne voulons qu'un seul autel, un seul nom pour vivre. Car l'adoration sans partage est la seule qui nous rend libre. Thank you.